Pris sur le vif. Écoutez. Mademoiselle, s'il vous plaît, où sont les imprimés pour expédier une lettre recommandée? Regardez, je crois qu'il y en a sur le présentoir en face. Merci. Donnez-moi 10 timbres à 1,20 francs. Ma lettre sera distribuée demain? Je pense que oui. Répétez. Mademoiselle, s'il vous plaît, où sont les imprimés pour expédier une lettre recommandée? Regardez, je crois qu'il y en a sur le présentoir en face. Merci. Donnez-moi 10 timbres à 1,20 francs. Ma lettre sera distribuée demain. Je pense que oui. Écoutez. Monsieur, je veux envoyer un mandat. Avez-vous rempli l'imprimant? Le voici. Croyez-vous qu'il arrivera à destination demain? Plutôt après-demain. Répétez. Monsieur, je veux envoyer un mandat. Avez-vous rempli l'imprimé? Le voici. Croyez-vous qu'il arrivera à destination demain? Plutôt après-demain. Écoutez. À moi, madame. Je désire envoyer un télégramme. Je ne vois pas les imprimés. Effectivement, il n'y en a plus. Attendez un instant, je vais en chercher. Répétez. À qui le tour? À moi, madame. Je désire envoyer un télégramme. Je ne vois pas les imprimés. Effectivement, il n'y en a plus. Attendez un instant, je vais en chercher.